celle ou bien toi. Les uns et les autres, ou même moi. Nous avons tous pleuré au moins une fois. Pour un coup dur de la vie, une jalousie. Je ne veux plus jamais renoncer.